Depuis 10 piges dans la matrice, à essayer de lutter pour rafler la mise. J'écris des textes noirs, scarifiés par les chlasses de la vie. Vie sur la corde raie, loin de la victoire, près des récifs. J'arrive au bout de mes forces épuisées, un brin dépressif. De la musique dans les veines, du son dans les racines. Quand tu débutes en bas de l'échelle, les sommets te fascinent. J'ai pas connu les heures de gloire ni les succès d'un artiste. J'ai connu la désillusion de mes rêves trempés dans la cire. J'emmerde le juge, le greffier, les assises. Tout est déjà écrit dans les vérités des sourates qu'on récite. Je ferai jamais d'embrouille au destin vu que c'est pas moi qui décide. Et la finalité de la vie pour moi c'est mourir mousseline. Inch'Allah, toujours un œil froid de poser sur la cible. Tu pourras me croiser sur les champs mais jamais mes clips sur la cisse. En vérité, je croyais que la gloire se méritait. Mais j'ai vite compris que les premiers morts sont morts de leur témérité. Y'a que les traîtres qui survivent. 400 yens mon gang négro. J'écris la street sous l'influence du pédo. J'ai pas fait ma sup, j'suis dans les petits calculs de stupadiésé. On va tous y passer à se défourailler pour une vie aisée. Les regrets ça nique la tête et le cœur à tous les degrés. Mais quand l'espoir n'est plus permis, tu souffres de force ou de gré. Mais Dieu seul sait que je voulais la paix, j'ai côtoyé que la requête. Maniant le micro comme un glaive, bouillant hiver comme été. Je voulais du cash pour mettre à l'aise la MIFA. La réussite à son petit côté cissera comme la Lycra. J'ai vu des rappeurs se déguiser comme si c'était Mardi Gras. J'ai vu l'hypocrisie comme pour les obsèques de Madiba. Mais laisse tomber, je vais lâcher. Cette vie passée dans le peurin m'a trop lassé. Qu'aurais-je pu faire de plus élevé à la haine de la PAC? J'ai pas l'endurance ni la patience dans le comportement. J'suis enlisé dans la haisse au fond de la tête. Entre les meugras de Téché ou Tsèze dans les quartiers niqués. Quartier niqué. Enchaîné dans la merde sans la facilité. Y'a que dans la violence qu'on est habilité. Marcher enfouraillé n'est qu'une formalité. Laisse tomber, j'ai le cœur entaillé. Ça y est, pour moi il est temps de taille. Je n'ai plus la force pour attendre de graille. Je n'ai plus la force car j'ai trop bataille. Loin des costards païens, gros star caillé. Loin de popstar et de la grosse tasse aïe. C'est le constat de la vie, t'as à la yelle. J'suis pas là pour voir les petits s'enjailler. J'voulais du pèse, enflammer la scène. Sortir des morceaux, des clips à la chaîne. Pour l'honneur de mes frérots. Pour l'honneur de mes frérots que j'ai. Me demande pas d'où vient la violence qu'on exprime. Vu qu'on a grandi dans un monde sans pitié. Moi j'ai perdu mon innocence dans tous les sens. Mon premier crime fut la douleur de mon identité. Me demande pas d'où vient la violence qu'on exprime. Vu qu'on a grandi dans un monde sans pitié. Moi j'ai perdu mon innocence dans tous les sens. Mon premier crime fut la couleur de mon identité. Voilà, voilà, il est grand temps pour moi de clôturer cet album. En espérant vous avoir fait kiffer. On a toujours mis un point d'honneur à faire le taf sincèrement, sérieusement. Pour un public qu'on ne connaît pas finalement ou qu'on connaît trop peu. J'ai passé pas mal d'années dans ce maudit rap français. Et si j'ai croisé des enculés, c'est vrai, je dois aussi reconnaître que j'ai croisé des gens bien, dont certains sont même devenus des amis ou des frères. Et rien que pour ça qu'on réussisse ou pas, on a déjà gagné, frère. Voilà, il me reste plus qu'à remercier mes fidèles associés Cappuccino, Belly Blanco, Latino, mon poteau Eddy et mon rota à la Zami Getpla. Mes co-détenus dans cette prison à ciel ouvert, on essaie de réaliser nos rêves. Ma famille, mon quartier, voilà. 400 yens, c'est mon histoire, ma vie, mes joies et mes peines, mes galères. Je remercie tous les gens qui nous soutiennent, qui nous donnent de la force. Et oubliez jamais ça, la famille. Moi, j'ai pas de fans, je veux pas entendre parler de ça. J'ai pas de fans, j'ai que des frères et des sœurs. Salam alaikum.